J'me balade entre les foutaises et les coups de tête. Écoute mec, moi j'dis que la vie a un goût de merde. J'ai les couilles pleines, tard la nuit les coups se traînent. Dans la street les coups de serre, mets ton ennemi sur une civière. Ma chitane qui danse, j'ai la négative attitude. J'ai la défonce chaque jour, mégatise et titube. Il faut de l'oseille pour vivre, certains taf, d'autres bicrave. Ta pull, ton pécrave, rien à foutre, ton pitoy. J'veux pas voir ma gueule dans les pages, fais divers. J'veux ma daronne soit blindée comme Federer. J'ai mis les feux de détresse et j'm'en fous des tasses, ouais. Chez moi on kiffe les fast food et les phases lourdes. On fait fausse route et on est blindé dans ce cas-là. Y'a trop de scarlats qui pourrissent en cabane. C'est blindé de casson, casse le shit dans le caleçon. Des scaliers, des glaçons, l'amour c'est jeté du balcon. Plus au passage, malédiction depuis un bal. Un code postal marécageux, les yeux d'un japonais. D'un serpent pour nourrir les varcreux. Moi j'sors de nulle part, j'nage plongé dans les calculs et les tracas. Tout plastique, en train de se battre, l'œil sur l'homoplate. En classique sous en stand, je passe ma semaine à la recherche d'espèces. J'remouvre ma tête de mec sous une capuche, moi j'marche en mode scrap. En service à mes tantines dans ma sphère, j'oublie l'essentiel. J'connais pas la terre, mais dans cette moi j'suis sorti de la pépinière. Alice tapite dans le cratère, loin de son pays des merveilles. On m'avait dit que j'étais un ange, pourtant j'ai jamais vu mes ailes. J'vois des seringues à l'entrée des crèches, puis des boulettes dans les paquets. On veut le contrôle de l'appareil. Circuit parallèle, ça coupe les ch'tes à la machette. Décompresse sur la PlayStation. Avec les chai on manque d'adresse, on fait plomber les relations. La haine m'invite dans son salon, la flemme dans un cercueil. J'parle plus, j'fais la sourde oreille. Les tentations m'ont fait rater le coche. J'veux pas couler mon navire, moi. Donc je reste cool dans mes affaires. À fixer ma vie, y'a tellement de choses à faire. Pour pas que ça chavire, il s'avère qu'il faut savoir choisir. Et ça met du temps pour pouvoir saisir les perches du sommet. Mangera par plaisir, pas pour vous plaire mon désir. Voir mon père, moi déçu, qu'il soit fier dans ses yeux. Ma mère posée sur une chaise longue, à contempler le monde plutôt. Se saigner toute la semaine pour que le salaire tombe. Niveau taf, j'ai battu les records. J'ai lâché la school, gâché des espoirs, semé la discorde. Trop d'histoires de merde. Et c'est comme si j'en demandais ma mère sur les nerfs. Et juste quelques potes, au fait, merci les mecs. Ceux qui m'ont aidé quand j'étais endetté ou pété, ceux qui m'ont sorti du pétrin, et ça même quand ça serait pété. Putain, j'en ai vécu des déboires depuis l'époque où je croyais pouvoir faire des barres et des barres. Yeah. Pour m'exprimer, merde, moi j'ai pas les mots adéquats. J'marque mes idoles sur le mur qui recouvre les trous que j'avais en décor. Les frères inhalent la coke, rêvant de toucher un paradis. Oula, la cote prononce, la partage une part en distillée. Parents naissent dans la merde, rêvant de toucher les étoiles. Putain, j'suis loin le plus haut que soit allé, c'est sur mon toit de là. Où les mères ramassent ta merde en dessous de la garderie. J'préfère ceux qui se foutent de face que ceux qui se gardent en rire. Moi j'garde le rythme, d'autres la pêche, j'ai donc de la rime au fait. Non, nul en langue, je transcris les pleurs des frères sur 16. Cela plane dans le Z, y'a ceux qui ont le droit, va dans ta chambre chez nous, y'a ceux qui écopent d'un dos de zèbre. On veut la jet set, chanceux ou non, la live c'est pas un vin contre elle, un tête à tête, frère, elle veut que tu jettes seul. On gêne, c'est merci pour l'info. Les jeunes sachent que le bonheur est atteignable sans shit et la fif. Ici bas, c'est pas de jalouse, des subinards, les robinets crachent la rouille dans nos cours crades, la dope sinale. Les sous-sols ont pompé les ch'tas à la grille, on s'installe au gîte, moins 5 romains, là où l'amiante joue au stalactite. À ça la vie, certains l'ont dit, et ça la vie, vu comme des parasites, on est plus proche du pacte du paradis. J'ai vu les jours des miens s'éteindre, la guerre et de la tuberculose. Rien de cool, bro, le béton accueille ceux qui bétonnent dans les roues. Peu échangent les rôles, certains naissent dans les ronds, d'autres dans les roses, en bas en rose, oubliant les rites des mères sur leur visage morose. Ici, cave et hall, rêve cabriolé, honte à moi, qu'on sait qu'Alban moulé avec crasse, ont capitulé. 8 piches, j'en place une pour le paternel. Ils ont pu briser ta life, mais pas enlever ta pété de rêve. Gère ça tout seul.